Vous écoutez RQC Only sur RQC. Backstage, les coulisses du son, en couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30, Scream, pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, ben, je vous ai choisi un album live, un album de 1984. Et comme d'habitude, donc, on va d'abord s'écouter un titre, en espérant que vous ayez trouvé. Normalement, ça va être facile aujourd'hui. Et après, on commencera à discuter un petit peu de ce groupe, et comme d'habitude, donc, et vous parler après de cet album. On commence tout de suite donc avec le premier extrait de cet album, et on se retrouve tout de suite après. Some people get a cheap life, breaking up the speed limit, scaring the pedestrians for dinner, crossing up a four-way, diving on the grass, leaving just enough for room to pass. Yeah, some need rider never took a test. Get a bullet from your peacekeeping force. Yeah, cause even a hero gets just loaded. And suddenly your mother's all lock up your doors. Who's protecting the innocent? Getting big, big trouble in your land of plenty. So how you gonna do best? Well, you guess. Once upon a time in the world. Oh yeah. Once upon a time in the West. Once upon a time in the West. Sing. Once upon a time in the West. Once upon a time. Once upon a time in the West. Yeah, once upon a time in the West. Once upon a time. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu ce groupe, hein, un ancien groupe, car il n'existe plus malheureusement. Il s'agit bien entendu de Dire Straits, et là le premier titre qu'on vient de s'écouter c'est Once Upon a Time in the West, extrait de l'album Alchemy. Alors, Dire Straits est un groupe de rock britannique créé à Deptford durant l'été 1977 par Mark Knopfler, guitare et chant, David Knopfler, guitare, John Isley, guitare basse, et Pete Winter, batterie. Considéré par certains comme l'un des plus grands groupes de rock des années 1980, Dire Straits a vendu plus de 120 millions d'albums depuis ses débuts. Sultan of Swing, Romeo and Juliet, Telegraph Road, Brother in Arms, Money for Nothing, Your Latest Trick, Private Investigation, Walk of Life, Calling Elvis, So Far Away, Lady Winter, Testing by in the Pool sont quelques grands succès du groupe. Le groupe s'est séparé en 1993, bien que son contrat ne prenait fin officiellement qu'en 1995. Alors, la biographie du groupe, ben, c'est simple. L'origine du groupe, Mark Knopfler est un journaliste âgé de 27 ans. Quand son frère David lui présente le bassiste John Isley, tous deux décident alors de s'installer dans un studio et de tenter de vivre de leur musique. Les débuts sont difficiles et le groupe vit avec les moyens très limités. C'est cette situation qui influence le groupe initialement appelé The Cafe Racer pour le choix de son nom. To be in Dire Straits peut en effet se traduire par être dans la dèche ou être dans une situation désespérée. Financièrement, bien entendu, c'est ce que ça veut dire Dire Straits. Dans leur petit studio, Mark Knopfler compose en 1977 le titre qui reste comme l'hymne du groupe Sultan of Swing, un hommage à tous les musiciens de bar et cabaret. Charlie Gillette diffuse alors la bande sans prévenir les membres du groupe lors de son émission Honky Tonk. Plusieurs producteurs le contactent dans les instants qui suivent. C'est finalement Phonogram qui les engage pour 5 albums. Voilà, donc ça c'était un peu la biographie du groupe, hein. Donc de Dire Straits. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va vous parler de l'album Alchemy, un album live mythique de Dire Straits. Mais en attendant, je vais vous parler aussi de ce fameux groupe, hein, malheureusement, qui s'est séparé. Voilà, en 93. Ben, que voulez-vous, ben, Mark Knopfler continue de son côté, est un grand guitariste de picking, il n'utilisera jamais d'onglet, il joue tout avec les doigts. On va s'écouter un deuxième extrait, Express Love, donc toujours de Alchemy, c'est parti du premier CD car c'est un double CD live. On se retrouve tout de suite après. En couleur, en concert, sur RQC. Well, you know what, it's no good. I don't wanna hold, I'm over teasing. Espresso Love, Dire Straits, extrait d'album Alchemy. Alors, le triomphe du rock à l'ancienne, bah, Dire Straits accompagne Talking Head, en tournée pour assurer la première partie du groupe américain de David Byrne. Le premier album de Dire Straits enregistré à Londres en février 1978 pour seulement 12 500 livres sterling remporte rapidement un énorme succès dans toute l'Europe, à l'exception notable du Royaume-Uni, qui ne vient au groupe que plus tard, outre Sultan of Swing, qui ouvre la phase B. L'album contient un autre succès, Down to the Waterline. Mark Knopfler, qui signe tous les titres, s'impose comme l'unique compositeur du groupe. Il se fait également remarquer pour son jeu de guitare virtuose, mais à contre-courant du gros son rock de la fin des années 1970, influencé par le blues et la country, notamment par G.G. Cole et Chet Atkins, Aunt Mervyn des Shadows, Knopfler ne joue que en son clair et légèrement saturé, du crunch, donc ça s'appelle la fonction crunch sur l'ampli. Presque toujours au doigt, n'utilise que très, comme je vous le disais, très rarement des médiators avec la technique appelée chicken picking, et à ne pas confondre avec le finger picking, également une technique de jeu au doigt caractérisée par l'alternance des basses au pouce, popularisée notamment par Chet Atkins. Son instrument de prédilection est une Fender Stratocaster, devient l'emblème du groupe sur les pochettes des deux premiers albums. Il est gaucher mais joue comme un droitier. Il a un style à la main droite qui est une variante personnelle du style Clown Hammer, dérivé de méthode de banjo dans sa façon de positionner sa main et de frapper les cordes avec les doigts et les ongles. Le succès ne se démène pas avec le second album Communique, enregistré dans la foulée du premier en décembre 1978 à Nassau aux Bahamas. Il réussit le tour de force d'occuper la première place des charts allemands, alors que Dire Straits est toujours le troisième comme dans le cas de son prédécesseur. L'influence blues et le country reste dominante. La production peut varier. Les thèmes abordés et l'ambiance musicale sont noirs. Cette absence manifeste de démarche commerciale se retrouve d'ailleurs moins par la suite. Dire Straits rencontre le public français grâce à l'émission télévisée Chorus, où le groupe est présenté et interviewé par Patrice Blanc-Francard, chante cinq chansons, sur scène à l'Empire. À la fin des années 1970, à l'époque du punk, du funk et de la disco, le succès du groupe, qui pratique un rock influencé par Gigi Cole et Dylan, peut en surprendre, mais il ne diminue pas pour autant avec les prochains albums Making Movie en 1980, Love Over Gold en 1982. Love Over Gold dispose d'une particularité car il était prévu à l'origine pour 6 morceaux. Or, il s'avère que dans l'album final, 5 sont disponibles. Le 6e morceau, Private Dancer, composé par Mark Knopfler, a été offert à Tina Turner pour relancer sa carrière. Des membres de Dire Straits participèrent musicalement aux albums de Tina Turner dans les années 1980. Ces disques qui inaugurent des compositions et un arrangement plus complexe et plus conforme à l'ère du temps sont marqués par les tubes comme Romeo and Juliet, Private Investigation. C'est aussi la fin des premières années avec le départ du guitariste David Knopfler et du batteur Pete Reuther. Ils sont remplacés par Al Lindes, guitare, et Thierry Williams, batterie. L'effectif est renforcé par Alan Clark au clavier. En 1983, le groupe, pas davantage influencé par les tendances discoïdes des années 1980 que par le punk des années 70, sort Extended Place, un mini EP de 4 titres qui contient le single Twisting by the Pool qui sonne nettement honky-tonk. Il est suivi en 1984 par le double live Alchemy qui remporte un énorme succès. Nous, on va s'écouter un troisième titre, on va s'écouter Romeo and Juliet. Vous écoutez Backstage. Struggle Romeo, he's going straight to Salmone, laying everybody low with a love song that he made. And he finds his streetlight and he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Goodness me, Miss Romeo, you nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey lad, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet when you exploded in my heart, and I forget movie song. And when you're gonna realize was just and the train was gone. Now we come up on a different streets, and both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything. Yeah, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. But Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. You said, I love you till I die. And there's a place. So when you're gonna realize it was just that the time was gone. And I can't do the talk, no, like they're talking on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. Can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, the way we used to be. All I do is keep the beat, the rock and roll company. And all I do is kiss you through the bars of the rain. Julia, do the stars with you anytime. Julia, when we made love, you used to cry. You said I love you like the stars above. You said I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. So when you're gonna realize it was just that the time was wrong. Yeah, you and me, babe. Voilà donc, c'était bien entendu Romeo and Juliet. Et c'était bien entendu Dire Straits, et bien branché sur RQC 95 FM. Brother in Arms, Stade et Disque Laser. En 1985, le groupe sort Brother in Arms, qui demeure son plus grand succès. Cet album est celui d'une première mondiale, première vidéo, à passer sur MTV en Angleterre pour Money for Nothing, single exceptionnellement rock pour le groupe et surtout l'un des premiers albums de rock à être diffusé sur tout nouveau support discographique. Le disque compact Brother in Arms est d'ailleurs le premier album de l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires sur leur format CD et tout support confondu, se vend et atteignent au fil des mois des scores exceptionnels au Royaume-Uni comme au niveau international. Par ailleurs, c'est aussi le premier album dont les claviers ont été séquencés et arrangés sur un ordinateur Atari. Le morceau Brother in Arms est utilisé dans la série Deux flics à Miami, saison 2, épisode 3, dans le film Spy Game de Tony Scott, dans la série À la Maison Blanche de The West Wing, lors du dernier épisode de la saison 2, dans le film Panique à Hollywood, lorsque Bruce Willis, sur un plateau de cinéma, sort d'une caravane, ainsi que des hooligans de Lexi Alexander. La sortie du disque est suivie par une tournée monumentale qui voit Dire Straits jouer dans des stades pleins à craquer. Le groupe remplit le Wembley Arena, à ne pas confondre avec le stade du même nom, 13 soirs de suite, et l'Entertainment Center à Sydney 21 fois. Il joue également au Live Aid au stade de Wembley en compagnie de Sting, qui joue les choristes sur la version studio de Money for Nothing, et devient grâce à cette tournée le groupe le plus vendeur de l'année 1980. Au niveau line-up, cette époque marque le départ de Hal Lindes, remplacé à Noël 1984 par Jack Sonny, alors vendeur dans un magasin de guitare sur la 48e rue de New York, Roddy Music Shop, et dont l'amitié avec Mark remonte au début des années 1980. Guy Fletcher, initialement embauché par Mark par ses projets en dehors de Dire Straits, intègre également le groupe en tant que second clavier. Vers la fin du groupe, malheureusement, épuisé par les gigantesques de la tournée Brothers in Arms, 248 concerts donnés dans 117 villes entre avril 85 et avril 86, les membres du groupe décident en 1986 de faire une pause, occasion pour Knopfler de travailler sur des projets, un best-of et édité en 1988, marquant les 10 ans d'existence de la formation qui bat des records de vente au Royaume-Uni. Et durant cette époque, le groupe ne joue qu'une fois pour l'anniversaire de Nelson Mandela, toujours en 1988. Accompagné par l'occasion d'Eric Clapton à la place de Jack Sonny, papa de jumeaux, le soir même, et donc à la maternité, avant la reformation officielle de l'année suivante. Début 1980, Dire Straits composé alors de Mark Knopfler, John Easley et des claviers Alan Clark et Guy Fletcher, accompagné de divers musiciens et de sessions, dont le batteur de Toto, Jeff Porcaro, se lance dans l'enregistrement du nouvel album baptisé On Every Street. Celui-ci paraît finalement en septembre 1991, précédé du single Calling Elvis. Ce rapporte le même succès que son prédécesseur. Il est vrai, exceptionnellement, que cet album se vend tout de même à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui constitue encore une belle performance. La tournée qui suit, dont on retrouve des extraits sur le live de 1993, On the Night, débute le 23 août 1991 à Dublin et se termine le 9 octobre 1992 à Saragosse, qui demeure à ce jour l'ultime concert donné par le groupe. La tournée remporte un grand succès en Europe, automne-hiver 1991 et au printemps 1992. Le groupe se sépare officiellement en 1995 avec Mark Knopfler au bout du rouleau qui déclare ne plus vouloir entendre parler de Dire Straits pendant au moins 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, moi je peux vous le dire. Le quatuor accompagné par leur manager à la batterie et se reconstitue une seule fois le temps de 5 chansons, Walk of Line, Sultan of Swing, Morning for Nothing, Nadine et Wild Theme from the Local Heroes à l'occasion du mariage de John Isley le 19 juin 1999. On va s'écouter Private Investigation, on se retrouve tout de suite après. En couleur, en concert, sur RQC. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, Monsieur Mark Knopfler, grand joueur de picking. Le picking, bah c'est simple, je vous l'ai dit. Il me remercie, c'est pas mal. Et ben le picking, ça se joue avec les doigts, mais lui il a une façon un peu bizarre, il tient un peu comme s'il tenait un banjo, donc comme je vous l'ai dit, en plus c'est un gaucher qui joue droitier, il est un peu zarbi monsieur Mark Knopfler quand même. Donc là aujourd'hui je vous parlais de l'album Alchemy qui était sorti en 1984, le 12 mars, et donc un petit récapitulatif, il a été enregistré le 23 juillet 1983 à l'Hammerfest Apollo de Londres, la durée de l'album est de 93 minutes 59, donc c'est pour ça qu'il tient sur deux albums, les morceaux sont très longs, il est considéré comme le rock, il est sorti chez Vertigo, chez Warner. Et alors, Alchemy est un album live de Dire Straits, la couverture montre une guitare sur fond d'extrait d'une œuvre de l'artiste australien Brett Whitsley, également intitulé Alchemy, datant de 1972 à 1973. Cet album live consiste en fait à remplacer les quelques standards de Dire Straits dans un contexte différent. Alchemy deviendra très vite un live incontournable du rock. L'album est également sorti en VHS et DVD avec les mêmes titres, à l'exception de Love Over Gold, qui ne figure que sur la version vidéo. Faux, parce qu'il est aussi sur l'album CD. Pendant la chanson Tunnel of Love, le public peine à chanter en criant, ce qui doit amuser beaucoup Mark Knopfler, qui va jusqu'à rire à la 9e minute 45. La photo de gauche à l'intérieur de l'album est la même que celle de droite, mais retournée à l'impression que le public est très imposant. Allez, on va s'écouter le fameux tube de Dire Straits en version live, Sultan of Swing. En couleur, en concert, sur RQC. They're blowing that sound, they're blowing way on down south, way on down south, London town. Check it out, Guitar Joe. Now he knows all them fancy clothes. So burning them colored lights, gonna play that. Right. And how he doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. But daytime job, he's doing quite alright, thank you very much. Do the honky tonk just like anything. Sailing in a foreign. Send a crowd of boys, they just fooling around in the corner. Drunk and dressed their baggies in their best King's Road. Sultans, oh yeah, the Sultans are playing for you. microphone. He says it lasts just as the time bell rings. Then you good night, now it's time to go home. And to make it fast, so just one more thing. We got a something. We'll be right back. Eh ben, c'est là qu'on reconnaît comme le grand talent de monsieur Mark Knopfler, grand guitariste anglais. Voilà, on l'a encore aperçu un peu il y a peu de temps avec monsieur Eric Clapton, grand guitariste aussi de The Cream, hein, si vous vous souvenez. Voilà, donc c'était sur Backstage consacré à Alchemy. Grand album live, grand moment live bien entendu de Dire Straits. Malheureusement, on espère qu'ils se reformeront. On va croiser les doigts et on verra d'ici là. Allez, on va se quitter avec un extrait parce que les morceaux sont très longs de Tunnel of Love. On se retrouve la semaine prochaine pour un backstage. Sinon, restez bien branchés sur RQC 95 FM. Ciao les amis.